gentlemen. De 20h à 22h, émission spéciale en direct et en public. Depuis le Palais d'Arlon. 1, 2, 3, let's go. Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct ici depuis le Palais d'Arlon, une émission spéciale en direct et en public. On est très content de vous recevoir ici. Alors, je veux dire, on vous a prévu une émission exceptionnelle. Alors là, on a prévu des séquences, des rétrospectives, on a plein de choses. Et d'ailleurs, je vais commencer par présenter l'équipe qui est là aujourd'hui. Alors, il y a des retardataires, mais il y a surtout la bonne équipe qui est là. On commence par la plus stressée, évidemment, Cora Chap, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Alors, quoi de neuf, Cora? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans l'émission. Pas grand chose. Pas grand chose. Toujours un problème de distance entre toi et le micro, c'est ça? Au moins, on est bon là-dessus. Et à côté de moi, alors là, le beau, le magnifique. On dirait pas. C'est un très jeune. Très jeune, même. C'est vrai. Bonsoir, Emilia Mathieu. Ça va, Thomas? Ça va très bien, toi? Ça va, merci. Alors, je te souhaite la bienvenue. C'est la première au palais? Ouais, c'est ma première. Ah, bah, voilà. Alors, comme ça, parce qu'il fait du théâtre, il faut le savoir, en dehors de l'émission, en dehors de tout le monde qu'on connaît, nous, il fait du théâtre. Et donc, ça se passe bien, bien. Ouais, ouais, c'est génial, vraiment. Vraiment? Ouais, ouais. Ça t'a servi un petit peu avant d'arriver ici? Bah, c'est grâce, surtout grâce à ça que tu m'as trouvé. Oui, c'est vrai, je viens de me rappeler. C'est vrai, ça aussi. Merci beaucoup. Dans cette émission, on va avoir plein de choses. On va avoir le jeu des 5 mots. On va aussi faire toute l'actualité insolite du moment. On va régler ce problème de l'Arsène. Et on se retrouve juste après. On va s'écouter toute la programmation musicale hein, d'Hilar FM habituelle. Et c'est surtout, on va faire des séquences pour jouer avec vous. Il y aura le duel de Jadoul, les vainqueurs de l'année. Et on va surtout bien se marier ce soir. Je vous remercie d'être là, nous sommes en direct. On est parti pour maintenant 2 heures d'émission. J'espère que vous êtes bien, en tout cas de votre côté. Pour réagir à l'émission, un seul numéro de téléphone, Emilien, si tu t'en souviens encore? Pas du tout. Flora non plus. Alors là, c'est le +32 49 9 15 75. Vous nous appelez, on vous bascule directement à l'antenne et comme ça vous pouvez participer avec nous en direct ou tout simplement nous rejoindre. Il reste encore un peu de place, un peu beaucoup de place dans le palais. Vous pouvez nous rejoindre, c'est au palais d'Arlon, ça c'est sur la place Léopold. Et on vous souhaite la bienvenue, on vous accueille. Il y a de quoi vous accueillir bien, il y a des bouteilles d'eau, il y a un vestiaire et il y a surtout Emilien que vous pourriez regarder. Il faut qu'il fasse la télé lui quand même. Hein. Allez, on écoute tout de suite, petit biscuit tout de suite. Merci d'être là avec nous, nous sommes en direct. Hein. Comme cadeau pour Noël, pensez à mettre Jadoul sous le sapin. Ça nous offrira un peu de tranquillité tant qu'il sera là-dessous. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. De 20h à 22h, c'est Jadoul, émission spéciale en direct et en public. Et alors voilà, on allume les micros après, c'est pas grave, hein, c'est parce qu'on est déjà en 2019, alors du coup on est déjà avec un temps d'avance. Alors on est toujours ici en direct, en public, alors on est très bien installé. D'ailleurs on va commencer par avoir un petit classement. De quoi vas-tu nous parler, Emilien? Des recherches Google qui ont été le plus recherchées en Belgique. Ok, des recherches recherchées. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on retrouve en dernière position de ton classement qui commence à combien? Les personnalités au début, donc il y a 5 personnes. 5 personnalités? Ouais. En 5ème position, on a Mac Miller. Mac Miller, c'est qui Mac Miller? C'est un rappeur qui est décédé. Ah d'accord, oui, qui s'est fait tirer une balle. Non, ça c'est un autre rappeur. Ok, ma culture rap est vraiment mauvaise. En 4ème, on a XXXTentacion, c'est lui qui s'est fait tirer une balle. Ah, il est décédé lui donc. Lui, ouais, lui. Pourtant, il est au top des classements musicaux en ce moment. En 3ème, on a Meghan Markle. Oui. C'est la chancelière allemande, ça. Ouais. En 2ème, on a France Gall. On a France Gall. France Gall, oui, mais elle est vraiment décédée. En fait, à part des gens décédés, est-ce que c'est pas des gens? Non. En premier, on a Avicii. Oui, donc ils sont vraiment tous morts. Ouais. Ok, c'est pas grave. Donc c'est le classement des personnes les plus recherchées décédées. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut être décédé pour les rechercher. Donc ok. Et ensuite, suivant le classement, qu'est-ce qu'on a? Alors avec les phrases, commence par un comment. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'est intéressant. En 5ème position, c'est comment faire des crêpes. En 4ème, c'est comment perdre du poids. En 3ème, c'est comment faire des selfies avec Dorian Rossini. D'accord. En 2ème, on a comment faire du slime. Du slime? Ouais. Explique-nous un petit peu ce que c'est. Je sais pas, j'utilise pas ça non plus, c'est un truc visqueux. Et ça a été beaucoup utilisé. Ça s'appelle du gel douche, il faut quand même l'utiliser. Non, ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Et en premier, c'est comment voter en Belgique. Ah oui, c'est intéressant d'ailleurs. Moi qui viens d'être majeur, je me demande aussi comment on vote. Donc, je ne sais pas du tout. Je suivrai une formation sur mon tutos sur Internet. Donc ça, c'était la première position. Ça, ouais, c'était la première position. Ah oui, donc quand même, les gens se demandent comment voter. Ouais, ouais, le premier truc recherché. Ah, j'en fais partie, donc. Ah oui, Flora qui est majeure, t'as déjà voté, toi. Ouais. Ça se passe comment? Tu colories le petit rond rouge où tu veux. Voilà, ça participe à ton éveil, t'aimes bien colorier, c'est toujours sympa. Ok, et donc c'est tout ce qu'on a au niveau des classements? Et non, après on a les recherches donc globales. En cinquième position, on a Avicii. En quatrième, on a Match de Coupe du Monde. En troisième, on a Comment se connecter sur Facebook. En deuxième, on a HDS. Et en premier... Ah, le HDS.to d'ailleurs, un site de streaming qui était fermé récemment. Ouais. Plus de ce site. C'était magique. Tu utilisais HDS.to? Bien sûr. Voilà, tu auras la police dans 5 minutes chez toi. Non, ouais, donc c'est un site de streaming. Évidemment, c'est illégal de regarder illégalement des séries ou des films, mais c'était quand même quelque chose de super répandu et de super connu. Et c'est vrai que beaucoup ont pleuré la mort de ce site. Et c'est tout ce qu'on a au niveau des La première position, c'est Coupe du Monde 2018. Ah oui, la fameuse Coupe du Monde. Ouais. Je me souviens quand même que quand on faisait des émissions cette année, alors qu'il y avait des matchs de la Coupe du Monde, à un moment on se disait, bon écoute, on va pas préparer à fond l'émission, on va être détendu parce que là, c'est la Coupe du Monde et à mon avis, 5 auditeurs. Même une émission, on l'a pas faite. On a fait un best-of, on a été sur la grande place regarder le match. Alors, pour te dire, on était bien au niveau Coupe du Monde. Ok, et toi, qu'est-ce que tu recherches le plus sur Google, toi? Comment trouver un mec? C'est super méchant. Mais non, c'est bien. Tout le monde t'adore. C'est même Emilia t'adore. Ouais. Bah non, tout ce qui touche à l'hôtellerie, bien sûr. Ah oui, on rappelle évidemment qu'elle est en hôtellerie en dehors de ça. Et tu travailles aussi dans un restaurant? Oui. On peut pas le citer ou on peut le citer? Non. Non. T'as peur que les gens viennent chez toi après dans ton restaurant? Ouais. N'y allez pas, elle est désagréable. Non. Mais ça va aller. Non, on t'adore. Ok, bah, c'était le top des recherches. On va voir un petit peu dans le public tout à l'heure qu'est-ce que vous recherchez le plus, si ça vous laisse le temps de réfléchir. On va revenir juste après la musique pour aussi avoir le suite de tous. La suite. Ouais, mais c'est parce que j'aime beaucoup les suites. Ah, voilà, okay. C'est pour ça. Et comme ça, on aura un petit peu la suite de tout ça. En tout cas, merci d'être avec nous. C'est un petit peu les émissions de Noël pour l'instant, donc on est en détente. Et on vous remercie d'être là. Vous écoutez Jadoul, 20h-22h. On est encore ensemble pour un bon paquet de temps. Et merci d'être là, tout simplement. De 20h à 22h, c'est Jadoul. En direct du Palais Arlon, c'est Jadoul. Jadoul, 20h-22h sur KRFM. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en direct ici depuis le Palais d'Arlon. Alors n'hésitez pas à rejoindre nous. On est là, c'est open bar. Vous venez quand vous voulez. Alors, on est parti maintenant pour le vif du sujet. Là, je vous le dis, on rentre vraiment en plein cœur de cette émission avec évidemment celui qui vous touche en plein cœur, Emilien Mathieu, qui va faire son jeu des 5 mots dans quelques instants. Le principe est simple. On prend quelqu'un qui se porte volontaire dans le public. Le problème, c'est que je vois personne. Donc voilà, il y a quelqu'un qui se porte volontaire. Alors, est-ce que tu peux nous rejoindre sur scène? On l'applaudit. Merci. Voilà, alors. Bonjour. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Inès. Alors, elle va s'appeler Inès dans quelques instants. Alors, tu t'appelles Inès? Oui. Voilà, alors tu peux t'asseoir ici. Tu vas jouer face à Emilien. Enfin, face en bisous. Hein. Alors, c'est simple. Il a 5 mots et il va tenter de te les faire deviner en moins de 30 secondes. Ok. Donc, n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il. Par exemple, son mot c'est pâte. Il va te dire, ah là, c'est italien, c'est machin et tout. Il va dire pâte. Ah, mais c'est comme le tabou? Le jeu? Oui. Ok. Je sais pas. Oui, peut-être. Oui, ok. Est-ce que tu as tes 5 mots, Emilien? Ouais. 1, 2, 3, 4. 5. Ah, pardon. Je ne sais pas compter non plus. Je te remercie, Emilien. Bah alors, on y va. C'est parti. On part pour 30 secondes. Est-ce que tu veux un chrono? Ouais. Est-ce que tu penses que j'ai un chrono? Je ne suis pas sûr. Moi non plus. Ouais, c'est-à-dire qu'on a les sons qui arrivent au compte-gouttes. Donc, on aura un chrono d'ici quelques secondes. En attendant, on va le faire sans chrono. Ok. Je prends ma montre. Je prends pas ma montre. Allez, attention, on y va. Top, c'est parti. Un dessert typique à Noël. La bûche? Ouais. On a été champion du monde de quoi récemment? De hockey. C'est quoi la recherche la plus recherchée sur Google en Belgique? Ah, vous l'avez dit tantôt. C'est pas comment s'inscrire sur Facebook? Non, non, la plus globale de tout. Je ne sais pas du tout. Bon. On passe. Pour parler à la radio, on parle dans un... Micro. Il y avait plus compliqué quand même là. Oui, oui, oui. Et on accroche quoi à la cheminée pour Noël? On accroche quoi à la cheminée? Une chaussette. Ouais, donc il reste propre. Mais elle n'a pas gagné. Non, elle n'a pas gagné. Je suis désolé pour toi. Est-ce que tu veux retenter ta chance face à Flora dans quelques instants? Bien sûr. Un ballon rond dans quelques instants. Il n'y a pas de souci. Moi, le temps que je retrouve mon chrono, que je retrouve tout ce qu'il faut, mettre jingle, bonne réponse, mauvaise réponse, on va se faire ça dans quelques instants. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Inès, pour ta participation. Je vous en prie. Tu peux rester là, hein, tu peux rester là. On va continuer juste après la musique. Merci d'être là. Le duel de Jadoul. Qui l'emportera? L'équipe ou le public? Alors, on est en plein dans un duel de Jadoul, car on est face au public pour un jeu des 5 mots. Alors, déjà, je pense qu'on peut applaudir une chose, c'est que j'ai reçu de nouveau tout mon habillage, mes jingles, tout est là. Donc ça, c'est, je pense que c'est la meilleure nouvelle de ce soir. On y est, là on a tout, on est bon. Alors, on était en plein cœur de jeu des 5 mots. Notre chère Inès. Oui, je suis très mauvais niveau prénom. Pas de soucis. Ah, Jean-Jacques. Alors, Inès a perdu face à Emilien, car il est évidemment très coriace. C'est connu Emilien pour ça. Et on a Flora maintenant qui va essayer de s'y coller. Ça va mieux, Flora? Ça va. J'ai jamais vu quelqu'un de si stressé. Je pense que si tu regardes la main de la table, il y a une auréole qui reste. En tout cas, merci d'être là. Bon, alors, est-ce qu'on a nos jingles bonne réponse? Non, ça c'est mauvaise réponse, et bonne réponse, c'est nickel. On a tout ce qu'il faut. C'est parti, on part pour 30 secondes. C'est parti. Alors, ça roule. Une voiture? Ouais. C'est en métal. Ça peut contenir une boisson? Une canette? Oui. On peut faire des recherches dessus? Internet? Non, un PC? Oui. On peut le mettre autour du cou? Un collier? Oui. Ça peut contenir une boisson? Non. Une bouteille? Non. Un gobelet? Non. Un verre? 5 secondes. C'est bon. C'est bon? Tiens, un verre. Félicitations, bravo. Je ne sais pas ce que tu remportes, mais tu remportes toute mon estime. Oh, c'est super sympa. C'est déjà bien. Et tu as le droit de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Merci. Je tiens tout seul. Dans ces news de la semaine, Emilien a sélectionné tout ce qu'il y avait de plus inattendu dans l'actualité. Alors, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous? Je te fais deviner ou je te dis direct? Ah, comme les joueurs, celui-ci. Comme tu préfères. Ah, ben bah, alors, ce qu'on peut faire, c'est que... Oui, tu peux me faire deviner. Ça marche. En Belgique, qu'est-ce qu'un cambrioleur a fait en sortant d'un supermarché? On va même mettre une ambiance de suspense pour te dire tout ce qu'on a ici. Tu veux que je refasse? Non, ben là, on est en suspense, c'est bon. Ah, okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Donc, c'est dans la province, en Flandre, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'un cambrioleur a fait en sortant d'un supermarché? Il a payé. Non. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à lever la main, maintenant je vous vois. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Flora, une idée? Non. Notre... Dans le micro, c'est mieux? Je ne sais pas. Très bien. Le chauffeur de salle? Qui n'a plus de micro? C'est bien préparé, cette émission. je ne sais pas du tout, dis-nous. Je te le dis? Ouais. En voulant s'échapper par-dessus le grillage, il s'est accroché son pantalon dans le grillage, donc il ne savait plus bouger. Et la police, en arrivant, l'ont capturé, quoi. Ah oui, donc parce qu'il est resté accroché. Oui, il est resté accroché au grillage en s'échappant. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est sympa. Moi, je suis resté accroché sur un radiateur. C'était hier à Libramont. Je frôle un radiateur, il y a la moitié de mon pantalon qui part. Il y a des témoins. Enfin voilà, c'est pas mal. Je veux dire que c'est pas mal. Alors moi j'en ai une d'actualité un peu insolite. C'est autour des gilets jaunes. Il faut savoir que ça a été quand même une grosse actu là ces derniers temps. J'ai tourné d'ailleurs un reportage là-dessus si vous voulez aller voir. C'est sur tmstelevision.com. D'ailleurs ça m'a valu une belle cicatrice sur le coude ici. Je me suis fait charger par un gilet jaune, c'est assez sympa. Enfin, moyennement. Mais alors, du coup, il y a eu tout un commerce qui s'est organisé autour de ça, car marques déposées, produits dérivés, les gilets jaunes ont vraiment tout fait pour essayer de multiplier tous les moyens de revenus financiers. Alors, notamment sur Internet, ils ont fait des sites Internet, giletsjaunes.com, giletsjaunes.fr, les t-shirts, les badges, les gilets jaunes avec marqué « Je suis gilet jaune ». Donc, franchement, là, je pense que là, il y a moyen de garder un souvenir de cette manif. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, pas mal. C'est surtout pas très légal, car on a remarqué que suite à cette chose-là, par exemple, quelqu'un a pu se faire 17 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Je le lançais dans le commerce de gilets jaunes. Et il a pu, grâce à ça, donc faire son petit commerce pour, par exemple, vendre un gilet jaune à 35 euros. pour le gilet jaune, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc si vous avez déjà été victime d'un charlatan comme ça, n'hésitez pas à nous le dire. Au plus 32 49 9 15 75, on reçoit tous vos SMS ici. Et d'ailleurs, j'en ai un ici, c'est « Bonne émission à vous ». Voilà, un petit encouragement, ça fait toujours du bien. Je suis sûr que... Envoyez vos messages, tiens, pour motiver un peu Flora, pour essayer qu'elle se... qu'elle se mette un peu dans le bain. Parce que je suis sûr que dans quelques instants, elle va donner le meilleur d'elle. Bien sûr. Et si tu nous préparais une recette culinaire? J'ai peut-être pas savoir faire ça. Bien sûr. Si tu connais l'hôtellerie, hein, tu connais la cuisine. Oui. Ce qui est logique. Oui. Donc tu peux nous sortir une recette et nous faire une astuce. Non. Si, on va régler ça. Tu veux combien? Il y a moyen. Alors, en tout cas, voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'être avec nous. On va faire un petit tour dans le public pour savoir si vous allez bien. Et c'est surtout le moment qu'on va profiter. On va un petit peu écouter quand même de la musique. C'est important. On va se faire Jane. Enfin, on va plutôt l'écouter. Et on se retrouve juste après. 20h43. Merci d'être avec nous. Jadoul, 20h-22h sur LRFM. Une entrée grande forme, merci les gars, on vous accompagne durant toute cette soirée. Alors j'espère que chez vous, vous êtes occupé à faire quelque chose d'autre en nous écoutant ou si vous nous avez consacré votre soirée, je vous remercie. Et comme je remercie le public d'être venu, évidemment, merci beaucoup. Alors on est en petit comité, c'est ça aussi qui donne un petit peu de comité à l'émission. Et on a décidé, on s'est dit, tiens, il y a un chauffeur de salle qui chauffe pas grand chose, alors on s'est dit, on va quand même le faire participer à l'émission. Alors on vous le présente, pour ceux qui ont déjà écouté LRFM, il y a longtemps, je vous le présente, voici Kylian Welfring autour de la table. Bonsoir à tous. Alors lui, c'est Monsieur Melon. Comment vous dire comment ça va? Bah, très bien, très bien. Comme alors, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Là, j'ai chauffé la salle, comme on peut voir. Oui, bon, ça t'a pris 5 minutes et demie. Oui. C'était pas évident. Non, c'est bon, on a préparé cette émission pour... Oui, c'est vrai, ça c'est un peu con comme question. Merci. C'est bien que tu m'en mettes à ma place des fois. Nous sommes toujours avec notre magnifique Flora Schaap, qui commence à se détendre. Un peu trop d'ailleurs. Je vois bien qu'elle a fortement envie de nous faire son astuce, car oui, je vous l'ai promis, elle va nous faire une astuce. On l'a appelée l'astuce peu utile mais très pratique. Ce jingle va prendre tout son sens quand vous allez écouter la séquence. Est-ce qu'on peut y aller, Florin? Oui. Alors c'est parti, jingle. L'astuce peu utile mais très pratique. T'écoute. Alors, pour ajouter de l'acidité à une sauce, il faut mettre du vin blanc. Et si vous avez une préparation culinaire qui est trop sucrée, il faut ajouter du vinaigre blanc. Voilà. Voilà. Merci encore. Ok, très bien. Est-ce que tu as une deuxième astuce pour nous? Et j'en ai déjà dit deux, là. Excuse-moi, je suis désolé. Bah, merci beaucoup, Flora, pour cette astuce. On te réveillera dans le courant de l'émission. On a pas que ça pour vous, évidemment. On a également la cassette de Jadoul, c'est bien simple. On vous passe un titre et on essaie de vous faire deviner de quoi il s'agit. Alors, le système est bien simple, c'est-à-dire qu'on a tellement déformé le son que vous ne pouvez même pas le chasamer, le deviner avec votre téléphone. À moins d'avoir une très bonne mémoire, je pense que ça va être assez compliqué. En tout cas, j'espère pour vous que ça va bien se passer. Enfin, c'est le mieux. Allez, on va jouer avec... on va jouer avec quelqu'un du public. Est-ce que tu peux nous trouver quelqu'un qui est de la semaine? Merci, ce jingle est parti. Hein, c'est parce que c'est moi, c'est cadeau. Voilà. Alors, je t'en prie, trouve-nous quelqu'un qui est capable de nous trouver le titre. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. En plus, il y a des volontaires. Mais alors, on ne peut pas demander mieux. Comment vous appelez-vous? Christophe. Vous êtes dirigé vers la scène? Ah, carrément, bah. Ah oui, carrément. Et c'est le service 5 étoiles ici, quand même. On applaudit Christophe. Alors, pour ceux qui nous écoutent en radio, qui ne voient pas qui est Christophe, il est complètement nu. Et on... je plaisante. Très bien habillé, d'ailleurs, il s'est inspiré de moi, même, je pense. Comment ça va, Christophe? Super bien. Alors, c'est la première émission que tu assistes? Oui. À laquelle tu assistes? Ah, bah, c'est très bien. Jusqu'ici, ça te plaît? Beaucoup. Ah bah alors ça va alors. La cassette de Jadoul, alors je suppose que tu as connu à l'époque des cassettes. Oui, tout à fait. Hein, on les rebobinait avec le doigt quand on n'avait pas forcément le temps. Et quand ça s'emmêlait, bon bah alors là c'était foutu, on était plus bien. Alors on y va, c'est parti, on passe à la cassette de Jadoul. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Et dans la cassette de Jadoul, pour vous dire, je joue avec vous car je ne sais même pas quel est le titre. Attention, on y va. Écoute bien. Je rembobine. On y va. Seconde. Ah oui, les sont chauds. Ah mais c'est vous savez. Emilien. C'est quoi? Je le dis. Ouais, c'est vrai. Christine Lord de Queen. Bonne réponse pour Emilien. Bravo, félicitations. J'ai réveillé un petit peu comme ça. Merci pour mes oreilles. Dans l'émission. Là, c'est les pavillons qui ont tout pris. Là. Mais voilà, comme ça, pour ceux qui sont là, il y a quand même un petit cadeau. Ah ben ça. Ça s'appelle un saignement d'oreille. Alors, voilà, il y en a encore quatre. Je vous préviens. Bravo, on va quand même essayer de te faire gagner quelque chose. Donc, on va partir pour une deuxième cassette. On est très généreux. Quel est ton style de musique? Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Un techno. Un techno? Ouais. Ah oui, bon, alors, j'aime beaucoup, hein, j'ai pas de soucis avec ça, c'est juste que c'est pas trop le répertoire IRFM. Alors, on va tenter une autre cassette, c'est récent quand même comme musique, t'écoutes un peu la radio? Oui. Ah bah alors, on va quand même tenter quelque chose, on en met une deuxième, c'est parti. Je sais pas, c'est moi, je pense. Alors, est-ce que tu as une idée? Non. Oui, moi non plus. Alors, les deux, ils font pas les malins maintenant, hein? Je sais pas. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais essayer avec le Shazam quand même pour être sûr. Non, on n'a pas de retour, tu peux pas. Est-ce que quelqu'un sait ici? Pas du tout, personne. C'est quand même bien foutu, ce truc, hein? Alors, c'était. Donc, mauvaise réponse pour tout le monde, désolé. C'était tout simplement Liam Payne. Non, si, il était quand même en tendance un bon paquet de temps dans le top 50 pour ceux qui sont un peu plus dans l'ancienne génération. Voilà, il a quand même fait un bon score en termes d'écoute et il est resté en tête du classement durant 3 semaines. La preuve. Avec J Balvin, voilà, comme ça vous savez tous. Ouais, moi ça m'aide pas non plus. On va l'écouter de toute façon dans quelques instants dans l'émission. Et puis de toute façon, on a une dernière news. Emilien, si je ne me trompe pas. Ouais, bah, j'en ai toujours. C'est toujours. Parti. Mais quel homme généreux quand même. Oui, quelqu'un m'a appelé, je pense. Allez, c'est parti, on repasse aux news de la semaine. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Qu'est-ce qui va nous intéresser, Emilien? Alors, Christophe qui est là. Et j'ai crié. Non, ça c'est un autre Christophe, pardon, excuse-moi. Alors, c'est parti, on y va. Attends, pour. T'as pas triché par contre. 30 secondes, c'est un gros tricheur. Ah non, j'ai pas regardé moi. Bah, avec tes lunettes, t'as zoomé. Non, moi j'étais prêt à applaudir, mais j'étais seul. Allez, on y va, 30 secondes. Qu'est-ce qu'une fille de 102 ans a fait? Une fille de 102 ans. Une gaffe, plutôt. Ouais, ça. Elle a. Elle s'est. Si quelqu'un a une idée, levez la main. Elle a. Changé de sexe. Non. Elle a. C'est un peu tard, hein. Elle a volé. Elle a. Ah, elle peut-être. Dans ses eaux-là. Avec un micro. Un micro. Non, attends. Un micro. Alors voilà. Alors, ici. Alors, on a quelqu'un, une jolie personne qui se manifeste. Merci. Un saut en parachute. Un saut en parachute, c'est une bonne réponse. Félicitations. Elle n'a pas volé celle-là. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. Qu'est-ce qui se passe? Non, merci. On déchiffrera ça après. Donc, explique-nous un petit peu, parce que moi, ça m'intrigue. En Australie, une fille qui s'appelle Irene O'Shea, à 102 ans, a fait un saut en parachute parce que c'était son rêve et elle l'a réalisé. Et donc, c'est la plus vieille dame qui a sauté 102 ans en parachute. Après, il faut quand même penser aux médecins qui ont dû retendre la peau après. Non, il n'y a pas de problème. Dis-moi. Quelqu'un dans le public a dit c'est plutôt pour recoller les os. Attends des nouvelles de cette dame parce qu'on sait qu'elle a sauté, mais on ne sait pas si elle a atterri. Alors, suivante news, une dame de 102 ans décède. Elle est toujours en vie, elle est toujours en vie. Non, ok, tout se passe bien alors. Ouais. Je te remercie beaucoup. Emilien, pour cette news. On en a encore d'autres, et moi je vous en ai prévu, c'est des croustillantes. Et on a surtout, après, encore beaucoup de séquences. Je vous ai prévu des petites surprises. On va se faire plaisir, je vous le dis clairement. Ça va être ici l'émission du bonheur. Comme toujours, on est là pour se faire plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de faire un tennis juste à côté. Ah, il refait un tennis, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut me dire d'où ça vient? Ok, merci beaucoup. Ok, Emilien, c'est toi le fautif. Mais toujours toi le fautif, de toute façon. Voilà, on va enchaîner, merci d'être là. Nous sommes toujours en direct sur IRFM, on se retrouve dans quelques instants, merci d'être là. 20h56. Le 20h-22h, c'est un peu comme un repas en famille. Il y a la musique et la nourriture. Il y a un oncle un peu bourré. Bonne année. On essaie d'éviter. Bonne Il y a un gars un peu lourd. Oui, enfin ça, c'est tellement bronché comme affirmation. Il y a une personne assez jamais contente. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Il y a celui que tout le monde connaît, mais on ne sait pas pourquoi. C'est Jadoul, le samedi de 20h à 22h sur IRFM. Vous êtes dans votre émission, votre rendez-vous, c'est 20h à 22h. On est en très grande forme, surtout qu'on a Emilien qui va dans quelques instants continuer à jouer avec nous. J'ai préparé un jeu, on va pouvoir s'occuper de ça. Ça va, quelques instants. On va surtout maintenant faire un petit tour dans le public, voir un petit peu avec notre chauffeur de salle, notre laveur de vitres. Il a plein de fonctions, il y a tellement de choses. J'aime mieux. T'aimes mieux ? Laveur de vitres, t'aimes mieux ? Oui. Ah bah oui, ça vaut beaucoup les raquettes, c'est pour ça. Ouais. Bon, allez. Alors on va faire un petit tour. Ici devant, par exemple, on va voir un petit peu qui est là. Juste à côté. Ah si, il faut faire participer. Bonsoir. Si, là. Qui va parler ? Alors, qui va parler la première ? Qui va parler la première ? C'est la grande question qu'on se pose. Comment tu t'appelles ? Oh, très bavard pour l'instant. Mais vas-y, à un moment, il n'y a pas le choix. Adriana. Adriana, tu nous viens d'où ? Si tu me dis de chez toi, ça me va aussi. Hein. Je viens de chez toi. Ça nous avance. Ça fait de la trotte, ça, par contre. Merci, on fait de la trotte. Ok, merci. On continue à faire le tour avant un petit peu qui est venu aujourd'hui. Cette dame a envie de parler. Cette dame en ouais, je le sens. Bonjour, la dame. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Très bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? L'émission tout court. L'émission tout court. Vous nous écoutez d'habitude? En général, tous les week-ends. C'est une bonne initiative. Merci pour ça. Voilà, c'est une très bonne initiative. Faites comme elle, d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui découvrent l'émission pour la première fois ce soir en venant ici? Bon, deux, trois, ok, ça va, trois personnes, ça va. Quatre, ici. Moi aussi. Alors, on a du plus jeune, peut-être. Oui, vas-y, on écoute. Du parler. On dirait plus du tout. On dirait l'école des fans. Comment tu vas? Bonjour, ma petite. Comment tu t'appelles? Bah oui, bah c'est ça, vas-y, on fait ça. Comment t'appelles-tu? Juliette. Oh. Et quel âge? 9 ans. Et ton Roméo est là. Mais ça c'est ma vie, c'est ma soeur. C'est ta soeur. C'est ta soeur, oui. Oui, bah va pas l'embrasser, ça serait bizarre. Tu écoutes souvent ton frère à la radio? Tout le temps. Ah, c'est ton frère? Ah, bah oui, non, je pensais que c'était une blague. Ah, donc Emilien a un frère. Bah décidément, la France, oui. Plus soeur. Ah oui. Bon, j'arrive, je vais suivre l'émission. D'accord. Je vais atterrir, ça va aller. Alors, on a qui d'autre? Alors, non, alors ça veut dire oui, hein. Ah oui, ça veut dire oui, toujours. Bonsoir. D'accord. Là, c'est la voix du peuple. Oui. En quelque sorte. Tu veux quelque chose de particulier? Votre prénom? Jean-Marc. Ah, bonjour, bienvenue. C'est la première fois que vous écoutez? Bah, bien sûr que non. Ah, bah ça va, alors. Ok, bah mais c'est la dernière, hein. Je suis plus gentil avec lui que toi. Et ça, c'est fait. Merci beaucoup. On a qui d'autre qu'on n'a pas encore. Dis bonjour un peu à la régie, voir comment ça va. Voir s'ils sont éveillés. Qui se cache. Ils sont un peu tout petits là pour l'instant. Oui, oui. Faites-vous partie. C'est un peu compliqué. Vous avez raison, parce qu'on n'a pas beaucoup de retours, c'est pas plus mal. Voilà, le micro-vide. Non, en fait, oui, il avait son c'est document. Malin, ça, c'est malin. Bravo, félicitations. Ok, mais merci beaucoup. C'est le petit tour du public. Alors, dans quelques instants, on va continuer à vous faire jouer parce qu'évidemment, on a encore des choses à vous faire gagner. On a encore beaucoup d'estime à vous donner et on a encore beaucoup de choses à voir. Alors, il faut savoir que c'est une émission connectée. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Les chroniqueurs, vous pouvez aussi les suivre. En principe, ouais. Tu as internet, l'électricité, tout ça ? Oui, j'ai tout ça. C'est parfait. Flora aussi ? Bien sûr, on te réveille. Ça fait un petit temps qu'on t'a pu participer. Et t'es pas venu avec ta famille ? Non. Quoi, tu les renies ou quoi ? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Tu savais pas que j'aimais personne ? Bah si, j'ai bien vu quoi. Alors là, entre nous, je veux dire, c'est un amour fou. Quand elle me voit, elle fait « Salut !» Elle fait le gif. Donc, moi aussi. Oui, lui aussi, pour vous dire qu'il a eu des marques. Pour vous dire que tout va bien. Donc, Flora, on va essayer de te rendre un peu plus gentil durant cette émission. Okay. Même peut-être essayer de te trouver quelqu'un. Non, ça sera peut-être plus gentil. Quoi, tu... Non, la solitude te plaît ? Ouais. D'accord. Alors, je vois que tu as quand même 5 snaps en attente. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si. Allez, bon, on se retrouve dans quelques instants. On vous met toutes nos surprises d'ici quelques minutes. On va continuer nos duels de Jadoul, car on va vous faire participer. On a plein de surprises pour vous. Merci d'être là, vous êtes en direct. De 20h à 22h, c'est Jadoul. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Merci d'être là avec nous. Nous sommes toujours au Palais d'Arlon en direct et en public. On est très contents d'être là avec vous. Alors, je vous le dis, dans cette émission, tout se fait en direct. Même certaines choses un peu essentielles à l'émission. Donc, pour vous dire, on a un envoyé spécial qui est en dehors du studio, dans les bistrots du coin. Pour tout vous dire, là c'est PK Express, c'est Koh-Lanta. Pour vous dire, il est parti en dehors du studio pour essayer de nous trouver des gens. Et on va essayer de l'appeler en direct parce que, à mon avis, la liaison micro ça va pas le faire parce qu'il est assez loin quand même. Je vais l'appeler depuis mon téléphone. Comme ça, on va essayer d'avoir une liaison avec lui. Alors c'est Kylian, notre chauffeur de salle, il est parti, c'est-à-dire qu'on est sur une place. Pour ceux qui ne connaissent pas le Palais d'Arlon, vous nous écoutez peut-être de Bruxelles, Liège, ou de chez vous, tout simplement, où vous êtes. Donc on est sur une place, il y a des bistrots tout autour de la place, et il y a généralement des gens, des bons piliers de bar. Tu connais bien ça, Flora ? Bien sûr. Alors, on va essayer de le joindre, si je sais encore comment il s'appelle. Normalement, en principe, ça fonctionne chez vous en régie, c'est la même entrée. Ça fonctionne même très bien. Alors, oula, est-ce que ça va ? Je t'entends. Parle bien dans le téléphone. Ah bah. Là, donc, je suis avec des gens assez festifs. Des gens assez festifs. Comment ? Donc, tu es où ? Explique-nous. Alors là, je suis devant la patinoire, donc avec Valérie, voilà. Il vient de me dire qu'elle va assister donc dans le public à l'émission Jadoul de 20h22. Ah oui, bien sûr. Et je chante dedans. Est-ce que tu sais lui dire qu'il est 21h ? Pardon ? Est-ce que tu sais lui dire qu'il est 21h ? Alors, il est 21h10. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va y aller. Elle va y aller. Ok. Oui. Et il y a une scène. Mais vous êtes... On va pas chanter. Non, il ne faut pas chanter. Vous êtes dans le public et vous regardez. Non, c'est toi, t'as pas mis ce que oui, non, qu'est-ce bah, l'animateur, c'est en direct. Il a du mal. Elle a du mal, hein. Le sang tombe. Ah, c'est horrible. Ça, ça explique tout, alors. On s'en fout, c'est Noël. Exactement. Ah ben, ramène-la nous, elle est très joyeuse. Allez, tu vois pas. Comment on va l'inviter à prendre à boire. Je travaille, donc je peux pas boire. Pause. Il est en direct avec nous. Hein. Est-ce que tu sais d'où la ramener ? Non, c'est juste la fin. Voilà, vous montez les escaliers, vous rentrez, vous allez voir. C'est une galayeuse. Ah, voilà. Ça, on n'avait pas deviné. Bah, justement, on compte sur vous pour venir. Justement, c'est bien. Et quoi, on fume un poil donc... Oh non, alors, on direct. On rappelle que c'est illégal. Hein. Et vous, est-ce que ça vous dit de participer dans quelle émission Jadoul ? Pas de soucis, on est là. À un moment, arrête de lui poser des questions, mais là, sur un diable, elle fait l'avenir. Hein. D'accord, bah, vous voulez venir voir ou pas ? Ça vous intéresse en direct ? C'est vital, c'est gratuit. C'est gratuit. Vas-y, on va en direct. C'est pas vraiment conseillé, mais... Ouais, on va se retrouver dans quelques instants, Kylian, d'accord ? Ok. soucis. Merci beaucoup, ne te fais pas frapper. Bon courage, merci. Et tu ne reviens pas tant que tu n'as pas trouvé quelqu'un. Oui, bah là, il y a des gens qui viennent, donc il faut envoyer quelqu'un à l'entrée. Ah, bah oui, il y a du monde pour recevoir, de toute façon. Voilà. Il y a plus de monde dans la technique. C'est pas grave. Merci beaucoup, Kylian. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, alors une chroniqueuse qui devait être avec nous, d'ailleurs, à la place là, que vous voyez vite pour ceux qui sont avec nous, il y avait évidemment Alissa Noël. Malheureusement, elle n'a pas pu venir. Elle a eu un décès assez proche dans sa famille. Voilà, on est tout cœur avec elle. On l'embrasse très fort, on l'applaudit même. Et on lui souhaite un bon courage, un bon rétablissement. Et on est surtout tout cœur avec elle. Et elle nous a dit qu'on pouvait l'appeler durant le courant de l'émission pour quand même lui faire un petit bonjour. Et donc, c'est ce qu'on va tenter de faire. Oui, c'est un standard téléphonique maintenant, cette émission. Et enfin, non, c'est surtout moi, je branche mon iPhone perso parce qu'on n'a pas pris de standard. Alors, Alissa Noël. Alors, on se rappelle, elle avait chanté. Qu'est-ce qu'elle avait chanté dans l'émission la fin passée ? C'était ça. Voilà, c'était là. Ah. Voilà, dans son bal, fait des bulles. Allô ? Allô, bonjour Alissa. Bonjour. Ça va, tu pètes la forme ? Oui, ça va. C'est bon alors, nickel. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, on est en direct, le public t'applaudit. Nous sommes ici avec toi. Alors, on voulait te dire bonjour. Hein. Bonjour. Dis-moi, t'as plus de public chez toi ou ça se passe comment ? Ah oui, j'avais oublié que quand on s'appelle la Sylvain, on avait trop de personnes à la maison. En tout cas, merci beaucoup, Alissa. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Alors, je t'avoue qu'on aurait préféré que tu sois là. Tu nous aurais fait un petit live musical pour nous chanter quelque chose. Elle peut. Mais non, elle peut. Mais maman, je suis sûre. Non, mais en fait, le principe, c'est que si tu viens à l'émission, on te rentabilise, tu vois. En quoi ? Non, mais c'est pas grave, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, Alissa, on te remercie d'avoir fait un signe dans cette émission. Ah bah de rien, la prochaine fois que je pourrais, je serai écrivante. Voilà, et on te souhaite un bon rétablissement. Merci. Allez, à très bientôt, Alissa. À très bientôt, bisous. Voilà, comme ça vous avez entendu un petit peu Alissa, ça fait toujours du bien d'entendre un petit peu de féminité dans cette émission. Je t'ai oublié. Ça va ? Ça va. Ok, c'est, là t'es dans ton canapé en fait, t'as vu l'émission, c'est tranquille. Ok, on est bon. Elle arrive pour ça, tu vas nous faire une deuxième astuce. Non, une troisième. Ah si, tu vas nous en faire une troisième. Y'a pas de soucis. Merci beaucoup. Voilà. Bon, on a eu un petit point bistrot avec Kylian. Je ne sais pas s'il va revenir entier, déjà. Je ne sais pas s'il va revenir tout court. Et je ne sais pas s'il va nous amener du monde. Il y a peut-être des gens qui sont rentrés, je n'ai pas vu. Mais on va se faire ça dans quelques instants. Et puis, juste après, là, je vous le promets, on a le duel de Jadoul qui continue. Merci d'être là, vous êtes toujours en direct. Et on vous souhaite une très très belle soirée. Merci de nous écouter. Comme cadeau pour Noël, pensez à mettre Jadoul sous le sapin. Ça nous offrira un peu de tranquillité tant qu'il sera là-dessous. Alors ça, c'est très tendu, mais bougrement intelligent. De 20h à 22h, c'est Jadoul. Émission spéciale en direct et en public. En direct du Palais Arlon, c'est Jadoul. C'est Jadoul. Jadoul, 20h à 22h sur LRFM. Direct du Palais d'Arlon, j'espère que ça va bien de votre côté, en tournant ces grands formats. Alors, l'émission est lancée, c'est l'autre en route, c'est de la bonne humeur. Alors, j'ai vendu ça comme si j'étais dans une grande boucherie, mais c'est pas grave. D'accord, j'ai prévu une petite surprise, c'est-à-dire qu'on va avoir les vainqueurs de l'année dans quelques instants, c'est-à-dire qu'on vous a réuni tout ce qui est le plus insolite dans l'actualité, donc vraiment, bah, les cons de l'année, on peut le dire. Et là maintenant, surtout, on va faire le duel de Jadoul, on va faire participer le public, on va faire des vrais ou faux. Donc, ce sera l'équipe contre le public. Est-ce que vous êtes chaud dans l'équipe ? Ouais. Vous regardez, mamie ? Ouais. Très bien, parce que, voilà, je vais le dire. Non, mais c'est il y a des gens qu'elle connaît dans la salle. Et alors, du coup, elle est maintenant toute gênée. J'ai jamais eu ça. En tout cas, voilà, la vitre est brisée, tout se passe bien. Donc, on peut y aller. T'es bien enfoncé ? Désolé. Allez, on va tout de suite partir pour le duel de Jadoul. Le duel de Jadoul. Qui l'emportera ? L'équipe ou le public ? Dans ce duel de Jadoul, on y va. C'est parti pour une série de 10 questions. Qui veut commencer ici ? Emilien. Moi, je suis dans la tête, c'est de la radio, ça ne s'entend pas. Alors, Emilien. Ouais, Kylian, ouais. Prends exemple sur Emilien. Kylian, il a dit moi, il m'a pas. Ah, pardon, j'ai... Ouais. Alors, Kylian, c'est parti. On y va, on commence avec toi. Une catégorie, je te propose. Oui, vas-y. Alors, géographie. Là où tu as été capable. Là où j'en ai déjà vu, c'est génial. Voilà. On m'affiche. Histoire. Également, merci. Est-ce qu'il y a une matière dans laquelle tu n'as pas été anglais ? Non, comme ça, on dit. Ou si on a agriculture. Alors, on va tester ça, mais. Agriculture. Je ne promets rien. Est-ce que tu le sens ? Non. Moi non plus. Allez, on y va, c'est parti. Agriculture, j'espère pour toi que tu vas tout donner. Et dans agriculture, je te propose deux catégories. Histoire d'amour, hein, tout ce qui est love story, amour impossible, tout ça. Et on a également la bière. Ah bah, il y a des grands connaisseurs ici d'ailleurs. Je pense qu'on va faire un tour aussi dans le public. Alors qui dans le public veut jouer face à Kylian pour la bière ? Vous gagnez des connaisseurs, il faut des connaisseurs de toute façon. Allez, c'est parti, tu nous rejoins sur scène. Ouais. Alors... Comment est-ce que tu t'appelles ? Je m'appelle Louis. Louis, bah, je t'en prie, viens ici. On va t'accueillir gentiment. On ne mord pas, sauf elle. Allez, quoi ? En plus, c'est bien choisi l'endroit, c'est vrai. C'est magnifique. Bravo. Donc, on a choisi la bière. Et on va donc pouvoir tester vos connaissances là-dessus. J'espère pour vous que ça va bien se passer. Ouais. C'est des connaisseurs de la bière, dans la bière, non, au sujet de la bière, dans le public, ne les huez pas, s'ils se plantent, et on va essayer de voir si ce sont des connaisseurs. Attention, on passe en mode suspense. Oh, je sais déjà qui gagne. On y va. Attention, Kylian, quelle est ma question ? Le houblon est le grand responsable de l'amertume de la bière. Vrai ou faux ? Attends, je vais regarder dans tes yeux. Ah non, il n'y a rien du tout, à part des... Si, il y a une réponse qui va venir. Non, un gros pas. J'ai juste ça dans l'œil. Je dirais oui. Oui ? Donc vrai ? Oui. Et... Mais bon, on ne peut pas changer de façon. Bonne réponse. Alors, bien joué, bien joué, bien joué. Louis, suivante question. On a partout. Voilà, pour savoir, le houblon contient des acides qui stabilisent la bière et qui procurent son amertume, et on les utilise aussi pour les huiles essentielles. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit. Évidemment, tout le monde le sait. Alors, les bières blanches doivent être servies à 15 degrés. Vrai ou faux ? Tu peux regarder mon écran, je vais regarder dessus. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est complètement faux. Complètement faux ? Je pense, oui. D'après mes goûts. Et c'est une bonne réponse. Félicitations. Jusqu'ici, ils sont bons. Ils n'ont même pas le temps de refroidir, ils sont déjà bu alors. C'est à combien de thèmes ce soir de bière ? Pardon ? Déjà bu ? D'accord, alors ce soir on part plus sur du vin chaud. Hein. Le vin chaud il est testé, il est rodé. Si on va là à la patinoire en bas du palais, il y a du vin chaud. C'est spécial Noël avec Amaretto, c'est magnifique. Ah oui, il y a aussi des connaisseurs dans le public de ça. Ok, très bien. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ou l'alcool est dangereux de l'abus. Non, un truc comme ça. Alors, Kylian, suivante question. Vrai ou faux ? Plusieurs personnes sont mortes noyées à Londres durant une inondation de bière. C'est vrai, faut pas l'inventer. Qu'est-ce que tu nous dis, Emilien ? Ça s'invente pas. Bah, monsieur, ça, ça. Si, ça peut s'inventer. Bah, je vais dire non. Comme ton salaire, on l'invente. Je vais dire non. Alors, j'en sais rien, mais je vais dire non. Tu dis faux ? Bah, je peux dire quoi ? Mauvaise réponse. Voilà. Je suis désolé. Ouais, tu retires un vêtement, non, je rigole. Alors, je directement aller en loge. Hein. Moi, qui comptabilise les points ici ? Emilien, merci beaucoup. Alors, Louis, quatrième question. Vrai ou faux, Louis Pasteur a joué un rôle important dans la stabilisation du goût de la bière. Donc, il faut savoir que, oui, Louis Pasteur. J'en ai absolument aucune idée, mais j'aurais tendance à dire que c'est vrai. Ok, il faut savoir que Louis Pasteur, Louis en plus... Mais le problème par rapport à toi, c'est que à chaque fois qu'on le voyait quelque part, il disait bah non, Pasteur si. Donc c'est sûr que c'était compliqué. Bon, je vais sortir. Merci. Merci beaucoup. Bon, ça ne s'applaudit pas, ça ne s'applaudit pas. Alors, tu m'as dit faux ? Non, j'ai dit vrai. Tu m'as dit vrai ? Et c'était une bonne réponse. Félicitations. Merci. Alerte info. Alissa nous appelle. Qu'est-ce qui se passe, Alissa ? Est-ce que tu as retrouvé des vêtements pour t'habiller ? Mais si tu m'envoies un taxi, je viens. Non mais 21h25, le temps que tu viennes, on se ferme rideau là. Non mais allez, moi je veux chanter. Donc elle m'appelle au matin. Ouais non écoute, non ça va pas du tout. Et là maintenant c'est attends je vais chanter, ça va. Donc t'en es où niveau niveau mental? Ça va? Bah ça va, hein, j'ai bu un petit coup. Ah bah voilà, ça s'explique par rapport à ce matin. Dis-moi, est-ce qu'il y a des... non, je pose une question générale. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu ce soir? Parce que je pose quand même des questions. Bon, oui. Là, je veux chanter. Tu n'aurais pas pu nous prévenir plus tôt? Mais non, j'ai pas eu l'occasion. Attends, bon, c'est pas difficile après. De donner un coup de téléphone, hein? Ouais, quand même. Il parle, là? Non, c'est pas... Au fond de la salle, elle est un peu pompette. Ah, ok, ça va. Ouais, ok, ça va. Ouais, sinon, genre, défoncé. C'est vraiment toi, ça. Voilà, ok, on est d'accord. Bon, bah, tu fais comme tu veux, tu viens par tes moyens, mais nous, on ferme boutique à 22h. Mais non, mais allez, fais-moi chanter, Thomas. D'accord. Bah, chante si tu veux, mais dans ta douche, je sais pas. Fais quelque chose. Non, je veux chanter en direct. Ah ben, en direct de chez toi. Bon, on va régler ça dans quelques instants. Merci Alice, en tout cas, de nous avoir appelé. De rien. Voilà. C'est Alison en toute sa splendeur. On était où? Qui êtes-vous? Ah oui. On était donc au duel. Et là, c'était la combienième question? Cinquième question déjà. Et c'était Louis qui avait répondu. Et il y avait juste. Il y avait juste. Et ouais. Maintenant, on passe à Kylian. Avant-dernière question de cette manche. Oui, bonjour. Ok. Je veux chanter. Alissa est quand même très chaude. Pour chanter. Il y a des enfants quand même. C'est ce que j'ai dit. Alors, le seigle a servi à la fabrication des premières bières chez les Sémuriens. Ouais. C'est sûr qu'on va dire les mots dans le bon ordre. Et... Sémurien. Bah, je vais dire faux. Je vais dire faux. J'en sais rien. Mais dis vrai alors. Il faut écouter le public. C'est vrai. Alors. Louis. Je vous ai le signe de Jules. Dernière question. Oui, alors. Il a fallu évidemment. Le houblon, on l'aime beaucoup, était utilisé par les Sumériens dans la fabrication des premières bières. Tu as déjà posé ça ou pas? Oui. Ok, je me répète, c'est pas grave. Je redote un peu, c'est l'âge qui fait ça. Alors, l'Irlande est reconnue pour sa production de bière noire. Avec la Guinness, j'aurais tendance à dire oui. Ah oui, la Guinness, le fameux livre des records. Ok, tu dirais vrai? Oui. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse, Louis. Merci beaucoup. Ben voilà, tu remportes cette manche face à Kylian. On t'applaudit. Félicitations. On va jouer avec quelqu'un d'autre dans quelques instants. Il est dégoûté. Qu'est-ce qui se passe? Non, justement. Ça veut dire que je ne bois pas. Oui. Sauf au travail. Voilà. Merci beaucoup, Louis. On va jouer avec quelqu'un d'autre dans quelques instants. On va se faire la question de la semaine. Et puis les vainqueurs arrivent dans quelques instants. Amy, est-ce que tu as encore une dernière actualité pour nous? Ouais, j'en ai une dernière. Alors on va speeder, voilà. On va essayer d'accélérer un petit peu les choses parce que là, on commence à être short niveau temps parce qu'on a encore beaucoup de choses et voilà, il faut qu'on arrive à suivre. Merci beaucoup. Oui. Je refais deviner au public et à l'équipe ou je dis direct. Ah, t'es bon pour le faire maintenant, toi. Ah bah comme tu veux. Je te suis. Oui, suis-moi. Je sais pas si c'est la meilleure des choses à faire, mais suis-moi. Attention, on part pour les news de la semaine, troisième partie. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Alors, on change un petit peu, on va faire main levée si quelqu'un trouve dans le public et on viendra interroger. D'accord, le laveur de vitres un micro. Merci beaucoup. Ah bon, mais oui. Attention, Emilien, qu'as-tu à nous faire deviner? Qu'est-ce qu'une petite fille a trouvé dans son calendrier de l'Avent? Ah oui, quand même. Alors, une idée, Flora? Oui, c'était des trucs pour les chats, non? Faux. Ok. Faux. Non, c'est pas ça. On continue. Prends ton temps, Kylian. Je t'en prie, nous sommes en direct. J'attends qu'il lève l'orme. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Il y a ici une réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un rat. C'est une bonne réponse. Bravo, belle réponse de la part du public. Et beau cadeau aussi. Et beau cadeau. Oui. On va savoir... Comment Sera s'est retrouvé là quand même? C'est la question que je me pose. Genre, c'est des parents qui ont acheté un calendrier de l'Avent à leur petite fille Mia de 2 ans. Et déjà, les premiers jours, il y avait des chocolats un peu entamés et tout, ils trouvaient ça bizarre. Et puis, arrivé au 14e jour, ils ont ouvert la case et il y avait un rat mort à l'intérieur. Mmh. Alors, j'ai une question. Soit j'ai eu aucune enfance, mais les calendriers de l'Avent, en tout cas comme moi, j'avais. Hein, les cases étaient séparées, donc le rat pouvait pas se balader. Et puis, un rat, ça rentre. Enfin, si! Ah, c'est une boîte de l'Avent, là, quand même. Ah oui, quand même, d'accord. Quelqu'un a déjà trouvé un rat dans son calendrier? Ok, bah, merci beaucoup. On n'a pas plus de détails? Je ne sais pas, parce que c'était en France. Merci. T'as voilà. Un texte comme ça pour nous dire que c'était en France, qu'il y a un rat et que c'était ça. Ok, merci beaucoup. Bah, c'est pas grave. Je te remercie. Toujours en direct. C'est Jadoul, 20h, 22h, 21h31. Merci d'être avec nous. Et le premier à avoir marché sur la Lune. Ce Tiger est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à avoir rentabilisé la machine à café du studio. Mais c'est aussi le numéro 1 du samedi soir. Et ça, c'est vraiment pas mal, non? Jadoul, 20h-22h, sur IRFM. Toujours en direct, merci d'être avec nous. J'espère que vous passez un bon moment. Alors, on est rediffusé en direct sur IRFM, Radio Sud et ARL, donc trois radios, je vous le dis, c'est la NASA. Alors, on a beaucoup de choses à voir, notamment la suite, la deuxième et dernière manche du duel de Jadoul. On retourne en ambiance suspense. Le duel de Jadoul. Qui l'emportera? L'équipe ou le public? Alors, notre chauffeur de salle, notre chauffeur livreur, le chauffeur de tout ce que vous voulez, nous dégote encore quelqu'un dans le public, une fois qu'on aura choisi la catégorie, c'est toujours mieux. Et on y va. Attention, je vais proposer deux catégories. Attention, on a, attention, les chiens ou la France. Je vais sur le public. Alors, c'est Emilien maintenant qui va jouer, c'est ça? Non, c'est Flora. Allez, hop, on va faire un peu participer Flora. Ça nous rappelle qu'elle est là. Les chiens. Les chiens? Oui. D'accord. Ah oui, tu as des chiens d'ailleurs chez toi? Ouais. Elle a l'air de les aimer. Bon animaux. Alors, donc, on va avoir des questions sur les chiens. Et quelqu'un dans le public qui s'y connaît en chien ici? Ou qui sent le chien? Oui, je sais pas. Non, allez, attention, il nous faut quelqu'un, sinon on prend quelqu'un au hasard. Est-ce que quelqu'un se sacrifie pour le public? Allez, c'est parti, on prend quelqu'un du public qui est tout au fond de la salle et qui va nous rejoindre sur scène, évidemment. On l'applaudit. Ah bah. Dis non. Ok, il va jouer du fond de la salle, c'est ça? Il va jouer du fond de la salle, c'est très bien. Alors, attention, il joue contre Emilien. Est-ce que tu es prêt, Emilien? Non, je m'appelle Emilien maintenant. Mais qu'êtes-vous, madame? Ah oui, non, oui, c'est vrai, pardon, c'est toi. Excuse-moi, je suis désolé, c'est les cheveux. Alors, attention, on y va. Suspense. Première question. Attention, je rappelle que tu joues la vie de ton chien dessus. Tu en as combien d'ailleurs de chiens? Deux. Deux. Qui s'appelle? Ah oui, ça c'est toujours compliqué. Allez, non, le chien c'est. Zeus et Vénus. Zeus et Vénus. Ah, ben il y en a un moins qui porte le nom d'un rasoir. Alors, les chiens ont plus d'os que les humains. Vrai ou faux? Faux. C'était vrai, je suis désolé. Désolé. Attention, qui joue avec nous? Ah oui, comment tu t'appelles? Yann. Yann, bonjour Yann, bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors il faut savoir quand même qu'ils ont 300 os les chiens. Voilà, donc s'ils perdent les os, il y en a plein partout. Alors, le rythme cardiaque normal d'un chien adulte. Peut-être de 140 battements à la minute. C'est-à-dire 140 fois plus que notre chauffeur de salle. Faux. Mauvaise réponse. Ah, jusqu'ici, on est bon. Seconde question. Flora? Oui. Le Doberman tient son nom d'une personne, monsieur Doberman. Oui. une bonne réponse. Ça peut s'applaudir. Vous ne les attendez plus, les bonnes réponses. Dernière question. Avant-dernière question. Toi. Merci. Trois des 12 chiens présents sur le Titanic ont survécu à l'émission, au naufrage. Vrai ou faux? 12 des chiens en pleine mer. Non, trois. Vrai, je dirais vrai. Tu dirais vrai? Bonne réponse. Alors là, ça mérite qu'on s'y arrête quand même, parce que je ne comprends pas quand même comment les 12 chiens ont pu... Alors voilà, j'ai les infos ici. 3 chiens ont survécu au naufrage du Titanic. Ils étaient tout petits. 2 pomaranéens et 1 pékinois. Voilà. Comme quoi, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont été sauvés. Avant-dernière question, Flora. Les chiens sentent jusqu'à 10 fois mieux que les humains. Oui. Là, c'est facile quand même. Oui, bon... Ah ben non. Okay. Ah ben, je suis étonné. La réponse est faux. Les chiens peuvent sentir jusqu'à 10 000 fois mieux que les humains. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais, ah, non, ils sont un peu mieux que nous, quoi, tu vois. D'accord. Et tes chiens, ils viennent près de toi le matin au réveil? Non, ils montent en haut. Ça veut dire qu'ils ont un bon odorat. Merci beaucoup pour ta politesse. Dernière question, Yann. Oui. Est-ce que tu es prêt? On va dire que oui. Attention. La truffe d'un chien est aussi unique que les empreintes digitales d'un humain, c'est-à-dire qu'ils peuvent déverrouiller des iPads avec leur museau. C'est seulement. C'est sûr que le parfait. Ouais, ça serait bien ça. Enfin, c'est le chien. Ouais, non. Si on perd le chien, on perd l'iPad. Donc c'est pas top. Qu'est-ce que tu nous dis? J'ai l'impression de prendre les commandes de McDo, moi. Alors, un coquin. Je dirais vrai. Mais moi, ça ne me choque pas. C'est une bonne réponse, effectivement. Qui l'emporte? Alors, qui a noté les points? Emilien? On s'est fait laminer 5 pour le public et 2 pour nous. Félicitations! Et... C'est pas pour nous, ce truc. C'est pas pour nous. Allez. Voilà. Tiens, s'il te plaît, je te laisse avoir l'air comme un con. Merci les effets spéciaux. Bon, voilà, c'est ça. C'est Hollywood. Attends. Vas-y. Si, vas-y, j'essaye. Ça fonctionne comment ça? Alors oui, il faut savoir que c'est l'expérimentateur de cette émission. Alors, attention. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Mais non, ça tourne fou, hein. Ça tente fou. Ça tente dans le vide, comme une certaine chanson. Non, ok, c'est pas grave, c'est très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Yann. Félicitations, tu remportes ce jeu. On t'apprécie beaucoup, merci d'être là. On va faire notre dernière séquence dans quelques instants, juste après Later Bitches, ce Prince Karma, qui arrive tout de suite sur RFM. Vous l'avez déjà utilisé? C'est parti, fais le péter sur quand même. On va fêter quand même pour Yann. Félicitations, merci beaucoup. Allez, une belle soirée à vous. Vous êtes dans Jadoul. Attends, Jadoul, vous écoutez Jadoul. Toujours en direct depuis le Palais d'Arlon. Alors, une émission spéciale en public. On est très très content d'être là avec vous. On profite vraiment de cette soirée, c'est exceptionnel. Voilà, il est 21h45. On est dans le timing. Je peux vous dire qu'ici, on est vraiment au millimètre près, comme les cheveux des Mina, coiffés à la perfection. Je me demande quand même toujours, il peut y avoir une rafale de vent, les cheveux tiennent. J'ai même pas besoin de les coiffer. C'est une perruque. Moi, mais je suis en paille, je passe des heures à essayer qu'elle s'en a quelque chose. Et toi, bah voilà, clac, bim, on y va. C'est pas de la chance. Hein. Tu finiras chauve, j'espère. Allez, on va continuer quand même nos promesses avec les vainqueurs de l'année. Tout ce qu'il y a eu de pire, de plus idiot dans l'actualité, vraiment les champions du monde. C'est juste après ceci sur Ilan FM. Si vous trouvez que la semaine est longue, vous trouverez le samedi soir très court. Vendredi. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Jadoul. C'est parti, on démarre cette grande séquence avec les vainqueurs de l'année. Les vainqueurs de l'année. Le premier champion du monde, c'est évidemment la personne qu'on a sélectionnée rien que pour ça. C'est aux États-Unis. C'est un prof qui raconte qu'elle va passer le Noël seule. Et alors, ses élèves lui font une surprise. Devinez laquelle. Cette fois-ci, c'est moi qui vous fais participer. Flora, je joue avec toi. quelle est la surprise que les élèves ont fait pour cette prof qui a eu du mal à cacher son émotion? D'inviter la prof à une soirée de Noël qu'ils ont fait. Non. Ils ont fait quelque chose, ils ont fait des recherches, un travail d'investigation. Ils ont fait quelque chose d'intelligent cette fois-ci. Ça, c'est vraiment un vainqueur de l'année. Donc on a un très bon, ensuite un mauvais, un très bon, enfin, d'accord. Oui, j'ai compris. Ça va. Je suis content de suivre. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Emilia, une idée? Je sais pas du tout. Kylian? Ça ne vient pas comme ça. Ça ne te vient pas à l'esprit. Ici, personne, une idée de ce qui... Non, ok, très bien. Alors en fait, ils ont recherché un petit peu selon ce que la prof leur a dit. Donc, elle disait, voilà, j'ai passé Noël seul, je suis un peu en galère et j'ai pas beaucoup de famille, si ce n'est que des cousins, on n'est pas vraiment proches. Et pour vous dire, la prof a tellement fait pitié aux élèves, ils se sont un peu cotisés, ils ont fait des recherches et au final, ils ont retrouvé la prof, enfin non, la prof, ils l'avaient en face d'eux, ils ont retrouvé les cousins de la prof et ils ont pu lui souhaiter un joyeux Noël en lui postant en plus des cadeaux sur son bureau. Donc ça, c'est un très beau geste et on peut dire que c'est un petit peu ça la magie des fêtes. On offre des choses et voilà. Emilia, qu'est-ce que tu voudrais avoir toi pour Noël? C'est quoi Noël pour toi? C'est un bon moment en famille et tout ça, je veux reposer avec la famille quoi. Et à moins que tu l'aies déjà déballé, qu'est-ce que tu aimerais recevoir à Noël? Ce que j'aimerais recevoir? Oui. Je sais pas, j'aime tout. Je suis pas difficile. Ouais. Ah bah oui, bah ok, très bien. Flora, alors une montre Adore Combi avec une petite bâche pour ma Ferrari, c'est ça? Ouais, non. Des couteaux. Des couteaux, oui. Quand vous disiez qu'elle était violente. Ah oui, on a un peu peur quand même. Des couteaux pour? Pour cuisiner. Ah oui, c'est vrai, tu continues ça. Mais non, mais parce que tu m'avais dit que t'arrêtais, c'est pour ça que... Oui, mais bon, quand même, à la maison, je vais continuer. Ah oui, c'est vrai. Pour se réchauffer des pâtes au micro-ondes. C'est important. Ok, très bien. Non, mais tu m'as jamais fait manger, toi, d'ailleurs. Tu ne le mérites pas. Merci. Une belle réponse de la soirée. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer vraiment à la bêtise de l'année. Donc, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas. Le progrès, la technologie, on crée des robots pour tout, des drones, des services automatiques, on fait vraiment tout. Et là, on a fait un robot de livraison qui s'appelle, enfin, on va pas citer la marque, et il s'est passé quelque chose de complètement dingue. Toi, t'allumes mon écran, tu peux pas participer, Florent. Non, je vois pas jusqu'ici. Ah oui, pardon. Alors, attention, que s'est-il passé avec ce robot qui devait livrer un colis? Il a fait un accident. Un accident, mais de quel type? Qu'est-ce qui s'est passé qui a pu l'empêcher de livrer son colis? Quel type de robot? Quel type de robot? Un robot livreur. Donc c'est-à-dire que c'est oui, on sur ton colis. Sur... Oui, on en voit. Il y en a un qui se balade là d'ailleurs. Non, c'est une espèce de cube comme ça qui se balade sur des roulettes et ça se dirige automatiquement selon les trottoirs vers une certaine porte. Mais le système n'est pas super top. Mais il a foncé contre un piéton. Non, il s'est passé quelque chose de bien plus grave qui a même détruit le colis. Ah, ça a explosé? Ouais, une explosion. Bon, allez, on va te l'accorder. C'est-à-dire que l'appareil a pris feu. Plus de colis, plus rien du tout. Ça transportait quelque chose d'une valeur de 6 500 €. Oh, ça va. Ça va, écoute. Donc c'est une erreur humaine, car il paraît que c'est simplement à cause d'une batterie qui a été usée et personne n'a pris le temps de vérifier la batterie et ne l'a pas remplacée. Donc du coup, voilà, hop, incendie, le truc a cramé. Donc plus de colis, plus d'argent, plus rien du tout. Et la garantie, l'assurance n'a pas marché. Donc là, je peux te dire que la personne qui voulait tester le service, c'était là, oui, bon, ça va pas. Donc voilà, c'était l'idou du jour, si on peut dire. Comme ça, vous savez, rien de tel que de commander sur des sites avec de vrais livreurs. Quoique, ça peut être pire. Voilà, ça peut être pire. Quand j'ai vu parfois des gens qui lancent des colis à travers les balcons pour qu'ils arrivent sans qu'ils aient à sonner, c'est vrai qu'on se pose parfois des questions. Ou le mieux, faisons marcher un petit peu le commerce de proximité, allons dans les boutiques, allons chercher chez les petits commerçants, et au lieu de se faire livrer à manger, allons chez les restaurateurs. Et puis voilà, je tiens aussi d'ailleurs, tant que j'y pense, à remercier la ville d'Arlon qui nous a vraiment aidés pour cet événement, et le marché de Noël d'ailleurs qui nous a beaucoup aidés aussi à faire la promotion de l'émission. Excusez-moi. Ça passait pas, je suis désolé. Ça arrive. Bien, je vous souhaite une belle soirée. On revient pour la dernière ligne droite de l'émission dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Et ce sera vraiment l'apogée de l'émission. Le moment ultime où on va vraiment s'amuser. Merci d'être là. Nous sommes en direct. En direct. De 20h à 22h, c'est Jadoula. toujours en direct, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours au Palais d'Arlon en direct et en public. Je vous dis, l'émission est loin d'être terminée. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Là, c'est donc, comme je le disais, la dernière ligne droite. On va surtout se faire le meilleur de. Le meilleur de quoi ? J'avais prévu quoi là maintenant ? J'ai prévu quelque chose. Le jeu de 5 mots. Oui, l'objet du peuple, voilà. Ah, oui. L'objet du peuple, on va se le faire tout de suite en direct. Alors voilà. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit ? C'est l'objet du peuple. Dans cet objet du peuple, c'est une ambiance un peu de suspense car il faut savoir qu'il y a une chose à vous faire deviner. C'est un objet bien précis. C'est l'objet du peuple. Tout est évident en générique. Je vais vous donner des indices, vous ici tous autour de la table, et vous allez essayer de trouver. Si quelqu'un dans le public a la réponse, il va lever la main. Et j'espère vraiment pour vous que vous allez sauver l'honneur de cette émission, parce que jusqu'ici, Flora, le bilan de l'équipe, figé. Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord. Attention, je vous donne le premier indice. Tout le monde a déjà appris à quoi je servais. Ah ouais, ça nous aide beaucoup cet indice. Merci. Ouais, je vais vous donner directement le deuxième. Il est très utile dans le monde de l'automobile. Des propositions, allez-y, parce que là on le est code là. De la route. Le code de la route. Non, tu ne connais pas ça. On n'a pas le permis. Ah, ceux qui ont le permis ne connaissent pas très bien non plus. Oui, non. Vous êtes dans la voiture. De ce côté-là, c'est dangereux le permis. C'est ça. À un moment, on se posait. Ça m'a fait réfléchir avant de le passer. Alors, Flora, conductrice avertie. Le moteur. Le moteur. Ah, ça chauffe. Ça chauffe. Le moteur, oui, ça chauffe. C'est pas sympa. Prestation. Non, c'est. Qu'est-ce qu'il y a dans le moteur qui pourrait. De l'essence. Une turbine. Une turbine. C'est une centrale nucléaire, ton truc. Un avion. Il y a peut-être une turbine, alors je suis peut-être un médiophile, mais il y a peut-être une turbine, ça va. Aucune idée. De l'essence. T'as déjà pris la voiture dans ta vie ? Ben non. Non, ah non, voilà, on est d'accord. Ah non, jamais. Oui, si, j'ai pris la voiture, mais je l'ai pas conduit, quoi. De l'essence dans un moteur. Oui, non. Alors. Je sers là. Ah, vraiment, il n'y a pas. Non. Ah là là. Bon. Ça va pas vous aider. Je suis métallique. Ouais. Ça vous aide pas ? Un piston. Un piston. Très bonne réponse dans le public. Félicitations. C'était bien un piston. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Donc là, on vient. Donc là, c'est quand même le public qui a encore trouvé. Oui, bah. Donc non, c'est ridicule. Oh, ça change pas d'habitude. Ça change pas d'habitude. C'est pas grave. Ouais, c'est C'est pas bien grave. Pour leur faire plaisir. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour cette séquence. On relèvera le niveau la prochaine fois quand même, parce que là, là, il y a quand même moyen de faire mieux. Merci beaucoup d'avoir joué. Je tiens à vous remercier chaleureusement donc pour votre implication et Kylian. Non rien. Je... Ah si. Non, c'était pas très profond. Ah bah oui, bah, ça change pas d'habitude. On te connaît à force. Flora, bah, en tout cas merci beaucoup d'être venue. De rien. Tu viens d'où à peu près ? De loin ? De pas loin ? Non, de pas loin. De pas loin, ça va alors. Tu nous en veux pas ? Non. Je connais pas. En tout cas, la prochaine fois, tu nous prépares vraiment un dossier culinaire. On a vraiment envie d'apprendre le monde de la cuisine. Je vais essayer. Tu vas essayer ? Oui. C'est très bien. Comme ça, on verra que tes cours de cuisine t'ont servi à quelque chose. Oui, quand même. Voilà. Et si vous voulez la retrouver, elle travaille dans le restaurant qui s'intitule... Je sais que t'as pas envie. Emilia, où peut-on te retrouver ? Chez moi. Le 27 décembre dans le Prime, le grand remake de 2010. Parce qu'on le tourne après-demain, c'est pour ça. Et donc voilà, vous nous retrouverez en direct sur TMS. TMSTelevision.com, on fait une grosse rétrospective de l'année. On va vraiment se marrer. 4 chroniqueurs autour de la table, ou plus, parce que je pense qu'on a un peu booké trop de gens. Et du coup, on va bien se marrer. Ça va être en inédit sur TMS. Ça va être une belle émission, un beau Prime. Et voilà, merci Kylian d'avoir passé une tête sur Hilar FM. Ça nous fait toujours plaisir. Merci. Merci, nous. Ça va être bien. Oui, vers le haut. Bien. Ah. Bravo. Félicitations. Eh bien, t'as bien chauffé le public. Oui, la preuve. Ils sont deux et on a réussi quand même à les entendre. Donc voilà. Non, merci beaucoup. Et puis voilà, aussi le palais qu'on remercie, toute l'équipe. Alors, un grand merci, un énorme merci. Et surtout, vous, chez vous, à la radio, vous êtes peut-être un organisateur d'événements notaires chez vous. CS Event, CS-Event.be, une société d'événementiel à gros moyens et à grosse facture. Non, je veux dire, et qui sont très, très, très, très sympas. Donc, c'est une équipe vraiment sympa. Allez-y, n'hésitez pas. On les applaudit quand même, ils ont fait un beau travail, ils ont fait une très très belle scène, bravo à eux, et ils ont réussi à me supporter, c'était le plus essentiel. Enfin voilà, merci à tous de nous avoir suivis, je retrouve mon générique de fin et on peut rendre l'antenne, il n'y a pas de souci. Emilien, ton senti sur l'émission ? J'ai adoré. Ah ben merci. Non plus. Flora, ça s'est bien passé ? Oui. Qu'est-ce qui t'attire dans le monde de la radio ? Devant des gens, ça c'est clair. Ah oui, bah, c'était une première, je vois bien que ça t'a un peu perturbé. Oui, quand même. Un peu beaucoup. Oui. Mais au moins, c'est une expérience. Chez toi, tu pourras dire, bah voilà, en faisant le bilan de l'année 2018, j'ai fait une émission en public. Oui. Voilà, tu pourras ajouter ça sur ton CV. On ne sait pas ce que ça fera sur le plan de l'hôtellerie, mais au moins, c'est toujours sympa. Pas grand-chose, hein. Mais oui, je demande quelque chose. Pour quelqu'un qui est censé bosser dans le relationnel avec les clients... C'est pour ça que je suis en cuisine, pas en salle. D'accord, voilà, ça c'est fait. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, en tout cas Flora. On te remercie pour ta participation. Kylian, oui. On peut te retrouver à la rue. Aussi, voilà, comme ça on peut te donner des pièces. Tu feras la quête, c'est ça, en sortant du studio. Oui, juste devant, là, oui. Juste devant, voilà, il y aura le principe du chapeau. Voilà. Sauf que, comme tu n'as pas de chapeau, ce sera le principe de la chaussette. Il t'en reste, ça, au moins. Et vérifie. Oui. Ah, ça va, alors il t'en reste. C'est magnifique, voilà. Je tiens à remercier aussi le public, ça y est, j'ai trouvé mon générique de fin. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir assisté à l'émission. Donc voilà, c'était la première fois pour 2-3 personnes. C'est qui la première fois sur un plateau ou un studio en radio ? C'est qui la première fois qui assiste à ça ? D'accord, ah oui, quand même. Bah voilà, c'est une expérience. Non, levez pas la main en régie, vous avez déjà fait des émissions. Ça, c'est petit. Allez, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'être là, toujours à nous suivre. C'est très important pour nous. Et voilà, c'est ce qui fait un petit peu le moteur de cette émission, c'est le public. On se retrouve très bientôt. Merci à vous. 22h04, à très bientôt.